Thank you.

Thank you. J'en ai fait du chemin pour aller jusqu'à toi. J'attendais ce moment, c'est le dernier pas. We'll be right back. Thank you. que le temps.